Activité 6.2. A. C'est à Paris qu'on paie le plus cher pour se loger. B. Dans cette ville, on a la vie la plus paisible. C. Dans la capitale, on a le temps de transport le plus long, le coût le plus lourd et les logements les plus chers.